L'état du monde actuel est en changement. La pollution de la conscience humaine est forte et cela demandera de l'individu de l'identité. Bousculé par les inondations, bousculé par le climat politique mondial, l'individu vivra énormément de détresse psychologique et de confusion dans son mental, car il n'aura pas été équipé au préalable pour faire face à ce qui viendra. Pourquoi n'a pas-t-il été équipé? Parce que la cinquième race racine, qui est basée sur l'intelligence rationnelle de l'ego, venant de la philosophie et aussi des religions et aussi de la science, a fait en sorte que l'individu ne s'est très peu intéressé à la nature psychique de son être dans une enveloppe mortelle, mais liée uniquement à la vie de la pensée par des énergies totalement inconnues. Ce faisant, l'ego a développé énormément de certitudes, et ces certitudes sont devenues des croyances, et ces croyances sont aussi devenues, avec la réalité, ses vérités. Lorsqu'une personne vivra un grand choc psychologique, si elle ne comprend pas la réalité qui se dresse devant elle, elle vivra énormément de détresse et de confusion. Est-ce que l'exemple des inondations dans le monde peut expliquer en partie le déséquilibre de la matière entre l'ego et la conscience? Certainement. L'individu qui ne comprend pas que la Terre ne va pas bien voudra toujours avoir une sécurité émotive face à la vie matérielle, puisque sa maison représentera aussi sa sécurité psychologique et financière. Mais au-delà de cette réalité, qu'est-ce qui attend l'homme? Dans l'état du monde actuel, il y aura énormément de déséquilibres vécus parce que la nature même de l'ego est imparfaite. La pollution mentale de la conscience humaine se vit à un très grand niveau puisqu'elle tient toujours à l'équilibre entre la vérité et les croyances que l'on veut se donner pour vivre une réalité psychologique menant à un certain équilibre temporaire. L'immobilité dans laquelle se présente la société actuelle fait en sorte qu'elle repose sur des conditions qui l'amènent toujours à réfléchir les réalités qui se produisent. Les inondations, lorsqu'elles sont perçues d'un angle totalement émotif, font en sorte que l'ego veut se sécuriser. Il ne comprend pas que les changements climatiques de la Terre feront en sorte que tous les égos de la Terre seront bousculés un jour ou l'autre selon ce qui frappera dans certaines parties du monde en tant que déséquilibre météorologique ou géophysique. Pour comprendre la réalité de la cinquième race racine, afin de situer ce fin de cycle dans la perspective mondiale du développement de la conscience future de l'homme, il faut savoir qu'il y a 6000 ans, la philosophie a été au centre du « pense donc je suis ». Et avec cette rationalité de l'ego à vouloir croire qu'il pouvait, dans une façon de réfléchir la vie, comprendre parfaitement toutes ses subtilités, il s'est développé avec le temps de l'inertie au niveau de la compréhension réellement occulte de ce qui se tramait au-dessus de sa tête. Les dieux ont toujours existé autant pour les Grecs, les Égyptiens et autres grandes civilisations, mais ceux-ci ont rarement été contestés comme ils le seront dans le futur, puisque la fin de la cinquième race racine représente le passage de la conscience de l'ego psychologique qui réfléchit les vies à une conscience totalement nouvelle qui ne peut se réfléchir, mais qui aura à établir que l'homme doit percevoir réellement ce que l'invisible lui raconte pour ne pas se compter par la suite de mensonges. Une question fort simple peut répondre à énormément de réalité. Est-ce que les inondations se poursuivront dans le monde? La réponse est oui. Est-ce que les déséquilibres psychologiques liés à la détresse du climat mondial vont s'accentuer? La réponse est encore oui. Que faut-il donc comprendre de cette réalité pour un ego qui est suffisamment ajusté au niveau de sa capacité de percevoir que l'état du monde ne va pas bien? Il pourra certes envisager une construction progressive de la dépollution de son mental face à la réalité que la Terre ne doit pas être bousculée dans ses derniers retranchements. Cette Terre, qui est la planète Terre appartenant au monde de la mort présentement et au monde de l'évolution, soit que la fin de cycle qui se produit présentement attestera que tout sera bousculé pour permettre une solidification de l'ego à un autre niveau d'ordre tout simplement psychique et éthérique. Psychologiquement, les hommes ne sont pas équipés pour vivre la vie présente sur la Terre, bien qu'ils ont été protégés psychologiquement à travers la religion et la philosophie et la science de ce que pouvait devenir la planète Terre. Désormais, avec cette fin de cycle et l'immobilité stagnante qui ne permet pas à l'homme de comprendre et de passer au deuxième étage, c'est pour cela, d'ailleurs, que les forces de la lumière agiront davantage sur le mental humain pour lui expliquer ce qui se produit. Les gouvernements seront certes dépassés par les événements à venir, mais il faut comprendre que l'état du monde et la détresse psychologique n'est aucunement interrelié à la capacité de la lumière de satisfaire l'ego dans l'homme. Pour comprendre ce qui se passe au Québec en lien avec la conscience supramentale, il faut saisir ceci. Dans la laïcité que le gouvernement du Québec veut produire, il y a ce besoin de rappeler à l'ordre les religions. Cela n'est pas dit de cette façon et cela est dommage, car il y a une nécessité et il y aura cette réalité d'introduire dans le mental humain la capacité vibratoire que la religion ne peut pas servir l'homme d'aucune façon dans les années à venir. Et naturellement, dans une fin de cycle, les derniers relents des bases sécuritaires des égaux refont toujours surface pour être davantage en position de force sur l'ego. Les religions dans le monde grandissent et il y a de plus en plus d'adeptes de la philosophie qu'il est nécessaire d'avoir un Dieu pour vivre un équilibre sur la Terre. Alors qu'en fait, les dieux n'ont jamais été contestés, ils n'ont jamais été compris par l'homme, et dans l'assujettissement de l'ego à la croyance que Dieu peut expliquer tout et que Dieu est le sauveur de tous les hommes, qu'ils soient musulmans ou chrétiens ou autres, ce Dieu appartient bel et bien à la capacité de l'ego de croire, ce qui fait en sorte que la détresse psychologique de l'individu s'intensifie parce que dans la croyance, il n'y a pas de contestation de l'individu à l'égard de l'invisible, ce qui fait en sorte que dès les premiers instants d'une réalité difficile, l'ego aura de la difficulté à saisir le pourquoi d'une réalité. Lorsqu'une maison est inondée et que cela se produit récurremment, il y a des questions nécessaires à se poser, mais bien que l'individu veuille avoir des réponses faciles, les réponses les plus simples, il ne voudra pas les écouter puisque sa maison, possiblement qu'un jour il devra l'abandonner. Les changements climatiques imposeront sur les gouvernements une tâche sans répit de réinvention et aussi d'introspection à l'égard de ce que pourront faire les gouvernements pour l'individu. Les sociétés seront bousculées, les villes seront ardemment assujetties à du désordre et à de l'instabilité, ce qui fera que la détresse psychologique mondiale et le climat psychique de la Terre au niveau de la capacité de dénoncer l'occulte et la réalité involutive du mouvement astral des forces astro-rythmiques de la noirceur pour contrer l'homme dans son avancée vers le soleil de sa conscience se feront sentir à tous les niveaux. Pour que l'ego puisse se réinventer en dehors de la réalité de la croyance et de la philosophie qui, elle, est morte depuis déjà 60 ans, puisque la conscience supramentale remplace cette psychologie et cette philosophie de l'homme à l'égard de la compréhension des lois matérielles de la vie, et certainement que la psyché humaine s'est ouverte davantage parce que les forces de la lumière auront permis que de l'instruction puisse venir à l'homme pour qu'il saisisse plus froidement la nécessité de revenir dans sa conscience et son centre de gravité pour se donner une identité réelle qui fera de lui un être solaire et non un être assujetti à toute contrainte de la vie matérielle. L'immobilité se voit dans les gouvernements mondiaux et elle se voit aussi chez l'individu qui ne veut pas se réinventer face à une quelconque réalité. Le pouvoir que détiennent certains individus, que ce soit en Russie ou dans d'autres pays, fait en sorte que les égaux se confronteront pour s'accaparer davantage la capacité de défendre leurs acquis. La démocratie n'est pas plus une affaire d'intelligence que peut l'être toutes les autres formes de gouvernement. Ce qui se passe au niveau de la démocratie fera en sorte qu'un jour il y aura des hommes qui devront décider et que cette démocratie-là sera remplacée par de l'intelligence. Tant que l'intelligence ne descend pas dans l'homme pour remplacer la rationalité de son ego à réfléchir sur la vie, cela fera en sorte que l'homme ne pourra pas acquérir de l'identité. Eh bien, que la pollution de la conscience humaine grandira, il n'y aura que très peu d'individus qui pourront saisir que tout ce qui se passe avec l'état du monde actuel est nécessaire, car il s'agit bel et bien d'une fin de cycle. Et quand on parle de fin de cycle, il y a trois choses normalement qui se produisent. La destruction d'anciennes formes, matérielles ou psychologiques ou psychiques de vie pour entamer une progression fulgurante de l'ego vers un taux vibratoire beaucoup plus individualisé pour saisir les nuances de la vie. Et troisièmement, il y a cet équilibre qui donne à l'ego la capacité de s'instruire et d'étendre l'instruction. Nous ne sommes pas encore dans la troisième phase et nous commençons simplement dans le cycle présent, la destruction des formes de vie que l'ego donne à la matière et à sa vie psychologique pour se sentir en sécurité. Il est donc nécessaire de préciser qu'une fin de cycle bouscule énormément l'homme parce qu'elle doit, cette fin de cycle présente, faire passer l'homme de la cinquième race racine à la sixième. Et cette sixième race racine n'appartient pas au monde de la religion ou à la réflexion. Cette sixième race racine appartient bel et bien à l'homme lumière qui s'instruit de l'invisible à partir de lui-même et non de l'extérieur. Cela dit, l'ego est en mesure de questionner l'invisible et de se positionner face à l'invisible d'une manière à saisir par autorité dans sa conscience que l'invisible n'est pas là pour l'aider. Et comme cette spiritualité de croire que l'invisible peut aider l'homme fait partie de la cinquième race racine, il est entendu que les chocs pour détruire les formes de vie dans l'ego seront grandes. Lorsqu'on bâtit une vie sur la sécurité émotive d'une maison, il est bien entendu qu'on ne peut pas jeter la pierre à ces individus qui ont de leurs mains construit ces maisons et travaillé pour celles-ci afin de se donner une vie agréable. L'individu n'est pas dénué d'intelligence, il est intelligent. Ce qui le rend dénué d'intelligence, c'est la pollution psychique de son mental, croire que la vie sera facile parce que s'il croit dans une certaine forme de psychologie ou encore dans un Dieu, il sera épargné de toutes les grandes tragédies humaines. L'équilibre pour l'homme en devenir avec la réalité psychique que l'ego doit se bâtir une conscience solaire fera en sorte que l'homme appartiendra à un nouveau espace-temps qui s'appellera la conscience supramentale. Dans cette conscience, il y a trois niveaux d'énergie. Il y a l'énergie de l'ego scient, il y a la présence absolue de l'ego à la pensée, et il y a finalement le retour de l'homme à sa réalité lumière. Cette réalité lumière est ce qui l'éclaira dans sa réalité et dans les immobilités de son ego à ne pas être capable de prendre des décisions sur le tas. Une personne ne doit pas vivre dans les années futures près des cours d'eau. La réponse est simple et il y a davantage d'autres lieux pour une personne où elle peut vivre et s'assurer qu'elle sera, d'une façon plus concrète, à l'abri des intempéries. Mais encore faut-il que ce lieu soit déjà protégé par la lumière, car il peut se produire plusieurs choses. Il peut y avoir une tornade, il peut y avoir des incendies de forêt. Donc, qu'est-ce que l'homme doit comprendre de cette fin de cycle? C'est que la sécurité de la matière ne sera plus suffisante pour lui pour se donner d'identité. L'identité dans l'ego viendra alors de sa volonté de s'instruire des plans invisibles et aussi de connaître parfaitement son ego, des agissements de celui-ci à l'égard des contradictions qu'il peut vivre et comment les gère-t-il ces contradictions et ces oppositions qui viendront autant de l'enseignement que de la lumière pour lui donner de l'identité. La fin de cycle était connue des plans de la lumière parce qu'elle est gérée à partir de la nécessité d'intervenir sur la conscience de l'homme pour qu'il se dépollue totalement des réalités invisibles qui jadis devaient le construire, mais qui n'ont plus la raison d'être parce que la maturité de l'ego est suffisante désormais dans certains égos du monde pour supporter le taux vibratoire de la lumière et ne pas fondre ou ne pas être ébahi devant cette lumière. Il ne s'agit pas de spiritualité et d'éblouissement ou encore de nirvana. Cette lumière est froide, elle ne possède aucune chaleur, et dans l'immortalité de sa conscience, l'homme verra que sans cette capacité de s'éclairer, il ne peut pas se protéger de la détresse psychologique de son ego à donner des valeurs superficielles et réelles à la fois à sa vie matérielle. Les énormes enjeux de la conscience en devenir auront à remettre dans l'homme une identité qui le protégera lui-même de la croyance. Le monde actuel est dans une détresse psychologique, psychique très grande parce qu'il n'est pas capable de se réinventer. Il n'a pas la nécessité d'explorer vaillamment ce qui menace la Terre et d'en changer les structures. Depuis déjà 20 ans, la pollution grandit dans les villes et chacun sait qu'il aurait été nécessaire d'agir autant sur l'énergie nucléaire pour l'électricité que les voitures polluantes dans les villes. Mais les agissements ne viennent pas car la fin de cycle n'était pas encore arrivée pour accentuer sur les climats sociaux une détresse psychologique suffisante. Ainsi, il ne faut pas voir la fin de cycle qui vient d'une manière à se sécuriser, mais bien d'une manière à saisir que ce qui viendra dans la société actuelle est un choc nécessaire pour que l'immobilité cesse et que la prestance de l'homme à l'égard des plans invisibles se raffermisse. Il y aura donc, dans cette fin de cycle, 15 à 20 ans de désordre faisant en sorte que les gouvernements seront eux-mêmes dépassés. Si bien qu'en parallèle, tous ceux qui auront à s'instruire de cette fin de cycle d'une manière constructive comprendront qu'ils ne doivent pas céder à la détresse psychologique et humaine qui se vivra dans les années à venir sur la Terre. La présente réalité est que l'homme qui est conscient n'est pas immobile. Il se construit constamment dans sa conscience à l'égard de l'invisible parce qu'il est en mesure d'étudier avec beaucoup plus de discernement et de recul les événements qui auront à se produire. Le grand pôle de la Russie, avec celui des États-Unis et aussi le pôle du Moyen-Orient, tout comme la Chine, auront des impacts virulents sur l'état du monde dans les années à venir. La fin de cycle n'est pas un apocalypse, mais la fin de cycle est une fin de plusieurs formes dans un même temps de conscience, dans un espace de temps très rapide. Si bien qu'à l'intérieur de deux décennies, la société peut changer complètement. En parallèle, il y a peut-être la compréhension que la Deuxième Guerre mondiale a fait en sorte que l'industrialisation et la capacité des familles d'avoir accès à beaucoup plus de technologies se fit rapidement après cette guerre qui a accentué, dans une certaine manière, la construction de nouvelles formes. Mais ces formes n'étaient que matérielles et, en comparaison, ce qui se produira dans les prochaines années doit bousculer l'individu au niveau de la réingénierie de sa conscience et non au niveau de la réingénierie de sa matière. Donc, ce qui se produira sera la destruction des croyances de l'ego et la compréhension élargie de l'homme à l'égard de l'invisible. Sans cette compréhension élargie du rôle de l'invisible sur la vie de l'homme, l'homme ne pourra pas s'instruire de la vie. Et quand il ne peut pas s'instruire de la vie, il peut donc simplement la réfléchir et donner du crédit aux religions, à la science ou à la philosophie. « Je pense, donc je suis », ce n'est pas réel, parce que l'homme ne pense pas, la pensée vient d'ailleurs, et lui, lorsque la pensée entre dans son mental, il est capable d'en saisir la vibration éventuelle. Et dans cette éventualité de saisir cette vibration, il verra si on veut le piéger ou le déjouer, afin qu'il ne puisse pas se construire une identité réelle. La détresse psychologique vient simplement du fait que l'homme ne peut pas se séparer de son passé. Celui qui n'est pas capable de voir que l'inondation de sa maison doit l'instruire de la réalité qu'il a peut-être déménagée fera en sorte qu'il vivra une grande détresse psychologique. Financièrement, cela va de soi. La personne aura construit sa vie autour de cette sécurité matérielle et c'est ce qui fait en sorte que la détresse psychologique s'accentue. Pour contrer la détresse psychologique, il n'y a qu'une manière. Soit celle de répondre à la question « qu'est-ce qui se passe » d'une manière totalement objective et froide. Mais pour ce faire, l'homme doit se déprogrammer des pensées psychologiques de la réalité que peut-être il s'est trompé, peut-être qu'il aurait dû déménager il y a 2 ans. Il doit plutôt regarder la situation dans un état de fait froid qui lui dira tout simplement « ta vie se passera désormais ailleurs ». Cette réponse que les plans de la lumière donneront à l'homme l'obligera à se sortir de l'immobilité. Et c'est ainsi que toute détresse psychologique s'arrêtera, parce que les pensées associées à la capacité de se réfléchir sont naturellement liées au monde de la mort, et ce monde de la mort a davantage, enfin, en cette fin de cycle, un poids sur la masse psychique mondiale et la conscience humaine, si bien que la pollution psychique de la conscience humaine est très élevée. Y a-t-il sur la Terre suffisamment de personnes conscientes dans le monde pour saisir que l'invisible n'est pas en mesure d'aider l'homme, mais qu'il est simplement un résultat vibratoire, forcé à même une destinée cosmique de répondre à l'homme selon des besoins réels. Des besoins réels étant que l'homme doit être instruit, que l'homme doit être en mesure de pouvoir avoir des réponses pour s'éclairer de ce qui se passe. Une fin de cycle est énormément difficile parce qu'elle ne s'adresse pas à la vie de l'âme, elle s'adresse à la vie de l'esprit dans l'homme, afin qu'il passe à un autre niveau de conscience. Au cours de la quatrième race racine, l'homme a sécurisé la matière. Et lorsqu'il a sécurisé la matière, il est en mesure, par la suite, d'élever son mental au développement de la psychologie rationnelle d'un ego pensant. Cela lui a permis d'établir des valeurs de vie réelles, mais des valeurs de vie qui ne sont pas basées sur de la croyance, mais bien sur la capacité de ces valeurs d'être confrontées à des réalités les obligeant à être déconstruites. Par exemple, la valeur sécuritaire de la maison dans les années futures ne sera pas suffisante pour bloquer toute détresse psychologique dans l'ego. La nature même de l'American Dream, qui était celle d'avoir une maison, sera totalement détruite dans les années à venir. Est-ce que l'ego pourra vivre quand même sa vie? Certainement, car ce n'est pas le fait d'avoir une maison qui fait qu'une personne est bien dans sa peau. Les forces de la lumière ont toujours assuré à l'homme la réponse à ses besoins réels. Il n'y a pas une personne qui n'a pas la capacité de répondre par des décisions à ses besoins réels. Chaque homme a dans sa nature à prendre des décisions, la mesure de répondre à ses besoins réels, qui sont simplement d'équilibrer sa vie pour ne pas vivre de désordre. Lorsque l'ego prend des décisions, il protège sa psychologie, il protège l'aura gravite autour de sa tête pour se donner davantage de liberté. Incidemment, il ne faut pas avoir dans des décisions psychologiques de l'ego à se sécuriser dans la matière à travers la finance ou l'achat d'une maison ou d'une voiture, une réalité qui fera partie de l'homme dans le futur. Ce qui doit être saisi et compris de la pollution de la conscience humaine, c'est que l'homme et les âmes ne sont pas toutes préparées pour vivre cette fin de cycle. Une fin de cycle est donc jumelée à la création de nouveaux éthers qui permettront à l'homme de faire reculer le monde de la mort et de faire reculer aussi l'involution. L'involution étant l'ignorance de l'homme et tout ce qui est lié à de la croyance pour lui faire croire que les dieux sont là pour le servir. Dans une certaine mesure, il est nécessaire que l'homme puisse s'arracher et devenir davantage un être vibratoire pour que sa psychologie devienne, dans un temps suffisamment rapide, le centre de sa vie au niveau de l'étude de ce qu'il doit devenir avec l'interface de l'invisible qui agit sur lui. L'interface de la lumière sera grande dans les années à venir, car il s'agit bel et bien d'une fin de cycle. Et dans une fin de cycle, la détresse psychologique est décuplée, voire même exponentielle, parce qu'il s'agit pour la lumière de mettre en échec l'ego rationnel. Les scientifiques auront de la difficulté à expliquer ce qui se passe, tout comme les ordres religieux de la Terre. Il restera donc la parole vibratoire entre l'homme et ce que la lumière exerce comme pression sur l'ego dans l'homme afin qu'il s'individualise parfaitement et qu'il comprenne que la relation de l'invisible avec sa conscience est le premier échelon de la réinvention de son ego. L'homme ne peut pas passer à côté de la compréhension de savoir qui sont ces êtres de lumière qui veillent à l'évolution de l'humanité et de l'homme depuis des siècles. Toute compréhension de l'homme à l'égard de l'invisible repose sur un mental froid, mais aussi sur un mental jumelé à de l'intelligence. Cette intelligence n'est pas rationnelle, elle ne vient pas de l'homme, elle est énergie. Elle grandit dans l'homme parce que l'homme s'individualise et comprend davantage qu'il est jumelé à un esprit, soit une contrepartie lumière qui, depuis l'incarnation de sa première réalité avec la matière, aura été en contact avec lui. Psychiquement, l'homme ne peut pas survivre à la vie de la matière s'il n'est pas équipé pour en comprendre les lois. Et les lois de la matière sont simples. Tout ce que l'homme doit saisir de celle-ci, c'est qu'elle peut l'assujettir à des réalités ou à des valeurs qui sont contraires à de l'intelligence. Certes, vouloir appartenir à une maison est une réalité très grande, car cela aussi permet de se reposer dans cette maison et d'égayer sa vie. Mais lorsque cela n'est pas possible, l'homme doit égayer sa vie autrement et il doit aussi investiguer davantage comment sa vie fonctionne. Une personne peut très bien être dans un appartement et se sentir en équilibre. Et c'est pour cela que l'homme, lorsqu'il est éclairé, il verra qu'il y a toujours des portes ou des signes lui faisant voir où il doit aller dans sa vie. Une personne dont la maison est inondée a certainement la capacité de savoir où elle aimerait vivre par la suite. Mais si elle bloque cette intelligence qui ne vient pas d'elle, mais qui vient d'une intuition ou d'une capacité de la lumière de lui dire « Ton chemin se fera ailleurs et il se réagira pour toi », de réapprendre qu'est-ce que veut dire le vide et de vivre avec ce vide pour un temps pour ne pas donner de valeur non réelle à sa propre vie. Une fin de cycle occasionne toujours de grands vides. Et le vide fait en sorte qu'une personne n'a pas le choix de s'étudier. En n'ayant pas le choix de s'étudier et de regarder l'état actuel de son corps émotif, cela fait en sorte qu'elle apprend à se régénérer au niveau de la maturité de sa propre conscience, à vouloir que de l'intelligence descende en elle au lieu de la réflexion. C'est à ce moment que le double se manifeste, car la lumière est obligée d'éclairer l'homme. Elle ne l'aide pas, elle l'éclaire. Et dans une fin de cycle, elle sera obligée, dans sa capacité d'instruire l'homme, de l'éclairer tout le temps si lui veut être dans un partenariat total avec les mondes invisibles, un équilibre, autant pour la lumière que pour l'homme. Il y a et il y aura toujours des initiés sur la Terre pour permettre la compréhension d'un fin de cycle. L'instruction circule déjà depuis longtemps, depuis 1969, mais cette instruction-là ne peut pas être non plus gardée dans un cycle mémoriel à la réalité qu'il n'y aura pas d'autres initiés pour instruire l'homme. Une fin de cycle est très difficile à supporter pour le noyau humain de la Terre parce que cela représente la destruction de formes qui ont été sécurisées depuis déjà plusieurs générations dans les égos des âmes qui s'incarnent. Se réalisant, il y aura donc une grande séparation entre l'homme conscient et l'homme de l'évolution qui se fera et cela aura à être vécu froidement par l'homme qui se conscientise parce qu'il ne pourra non plus rien faire pour celui qui aura à vivre des inondations ou encore qui sera dans l'impuissance d'avoir la sensibilité de saisir que sa vie se passe désormais ailleurs. Bien entendu, lorsqu'on vit une réalité et que cela implique plusieurs personnes, la décision qui doit être prise est d'autant plus difficile. Mais les forces de la lumière savent très bien qui peut s'individualiser de qui ne le peut pas. Et lorsqu'on est programmé dans le siècle présent et les années qui suivront à vie de l'âme, il ne faut pas essayer de comprendre autre chose que la réalité suivante, soit que ce ne sont pas tous les individus et les personnes qui peuvent vivre de la conscience. Dans une fin de cycle, beaucoup seront élus, mais peu seront appelés. Ce qui fait en sorte qu'il y aura une certaine forme de dénaturation de l'ego à comprendre que la nature même de l'homme se situe non pas dans la matière, mais se situe sur les plans invisibles. Soit que l'évolution de l'ego dans l'homme est une affaire cosmique et non une affaire programmée dans la matière par de l'intellect. Cette nature cosmique de l'homme à comprendre la vie est au centre même de la fin du cycle. Est-ce que l'homme conscient peut vivre une détresse psychologique? La réponse est non. Est-ce que l'homme conscient peut vivre une détresse qui a toute apparence à une incapacité de pouvoir se réinventer? La réponse est oui. Car les forces de la noirceur feront en sorte que l'homme ne verra pas pour un certain temps sa propre lumière. Mais une conscience avertie de la nature même des forces de la noirceur de ne pas laisser les forces de la lumière agir dans le cycle involutif est une dimension totalement connue de la lumière. Et c'est pour cela que la fin de cycle représente une détresse très grande, même au niveau des âmes qui ne sont pas incarnées dans la matière, parce que celles-ci ne peuvent pas saisir non plus que ce qui se passe sur la Terre est d'un ordre cosmique. La Terre et la vie sur celle-ci n'a qu'une seule finalité, soit qu'elle puisse devenir un éther parfait d'intelligence pour générer dans la nature même de l'homme un rayon universel. Ce rayon est ce qui permettra l'évolution de d'autres espaces-temps. Les énergies vibrantes dans l'homme, qui sont la volonté, l'amour et l'intelligence, ne font appel à aucune détresse psychologique pour descendre en lui. L'énergie de l'amour descend quand l'homme a de la froideur dans son mental et a la capacité de savoir que l'invisible ne peut pas l'aider. C'est à ce temps que dans l'intelligence de sa volonté, il s'instruit lui-même de la vie et que son taux vibratoire s'accentue et monte en lumière pour lui donner accès aux énergies de la compréhension absolue des univers parallèles et de ce que les flancs de la lumière entendent faire via la fin des cycles qui se dressent à l'horizon. Il n'y a pas de violence psychologique entre la lumière et l'homme. La lumière est une force d'instruction. Elle bouscule le mental de l'homme pour l'amener à une plus grande compréhension de l'invisible. C'est pour cela que cette entrée dans l'homme de cette lumière qui doit progressivement habiter l'homme fait en sorte que l'ego est bousculé, mais il n'est pas violenté. Et la souffrance qui se dégage de cette pénétration est la déconstruction des valeurs qu'il donnait à la vie. Lorsqu'un ego comprend ce qui se passe dans sa vie, il ne souffre pas psychologiquement. Lorsqu'un ego est bousculé par les plans de la lumière pour avoir à comprendre des réalités pour le mener plus loin dans l'identité réelle de son être, il peut y avoir des souffrances psychiques vécues par l'ego dans le passage entre l'énergie et le choc d'avoir vécu une loi d'accident l'obligeant à se réinventer. Mais cela ne dure pas longtemps. C'est comme si, pour une personne, sa maison brûle et l'ego est en mesure de constater que sa maison est totalement brûlée et qu'elle a peut-être très bien brûlé parce qu'il ne reste que des cendres. Et ces cendres, il ne les verra pas dans une détresse psychologique. Il les verra dans une réalité qu'il y a des choses en lui qui sont désormais consumées, si bien qu'il est libre de se faire un nouveau mental pour vivre sa prochaine vie. Mais combien d'hommes et de femmes peuvent voir une loi d'accident ou un choc de cette manière? Et c'est cela qui constitue, en fin de compte, l'apocalypse dans l'homme, parce qu'il s'agit de la fin d'un temps, de ne plus être en mesure de réfléchir la vie et de donner des réponses psychologiques à celle-ci pour se sécuriser. L'avenir de l'humanité sera bouleversé et aura à vivre de nombreuses confrontations. La prochaine époque ou les prochaines décennies permettront de briser des formes que l'homme ne pensait pas qu'elles seront brisées, ces formes. Mais elles seront bel et bien brisées car le début de la science de l'énergie dans l'homme au niveau de la pensée est en train de se construire, si bien que l'homme s'affranchira davantage des lois de l'évolution. Et c'est pour ça qu'une fin de cycle est si difficile. C'est que les lois de l'évolution n'ont jamais permis à l'homme d'ouvrir le passage de sa conscience entre les éthers de vie qui gravitent sur les plans invisibles pour lui donner une totale identité. Psychologiquement, l'homme est très peu évolué. Psychiquement, il ne fait que commencer à saisir que l'invisible est réel. Cette genèse du réel dans l'homme, de saisir que l'invisible agit depuis le début de son incarnation dans la matière, peut apporter énormément de confusion, car comment se fait-il qu'il y a tant de personnes assujetties à des religions et à ces dieux au fil des siècles? La réponse est simple. Sans la religion, l'homme n'aurait pas pu se construire une identité matérielle pour organiser ses sociétés. Il se serait auto-détruit car il n'aurait pas pu supporter les grands chocs de vie et l'espoir qui a été créé dans l'invisible et la spiritualité que les mondes pouvaient lui venir en aide fit en sorte d'espérer de la vie à connaître le bonheur et à connaître un équilibre. Toutes les âmes dans le monde de la mort aspirent à venir sur la terre et à connaître une vie en équilibre. Les âmes ont une programmation serrée qui doivent au départ les mener à plus d'intelligence pour comprendre que l'ego qui se manifeste en elle doit un jour être le pôle principal pour inverser dans la conscience de l'homme la subtilité vibratoire que l'invisible peut l'aider. Et tant qu'une âme est assujettie à ce principe vibratoire de la croyance que l'invisible peut l'aider, elle est donc mortelle et inconsciente. Elle ne peut pas, cette âme, être bousculée parce que toute bousculade fait en sorte qu'elle est déjà dans un déséquilibre face à la mort. Et cette détresse de la mort dans l'âme n'est pas en mesure de donner à l'ego suffisamment de voyance sur l'invisible. Il faut à l'ego énormément de souffrance avant qu'il comprenne que l'invisible n'est pas là pour l'aider. Et dans la fin de cycle, cette dimension de l'invisible qui ne peut pas aider l'homme sera vécue dans les religions et toutes les religions du monde, si bien que la croyance qu'une religion soit plus grande qu'une autre deviendra aussi un objet de division entre les sociétés. Puissamment, les forces de la lumière exerceront sur la nature psychique de l'homme suffisamment de pression pour qu'il puisse en arriver à questionner d'une manière totalement froide l'état du monde actuel et de se faire un portrait réel qui lui permettra à cet ego de se détacher des expériences émotives des âmes qui ont à vivre le vide et la confusion dans une détresse psychologique qui mènera leurs âmes aux portes de la confusion matérielle. Psychologiquement, l'homme n'est pas équipé pour vivre ce qui vient, mais psychiquement, il y a des hommes et des femmes qui sont préparés à vivre ce qui viendra. C'est pour ça que l'immobilité de la conscience humaine sera donc bouleversée, parce que l'homme a à réapprendre comment fonctionne sa vie mentale et que la cinquième race racine est une fin de cycle en soi, parce qu'elle a généré aucune compréhension des lois de la vie à l'égard des plans invisibles qui pouvaient permettre à l'homme de se construire une identité réelle. La pollution de la conscience humaine est grande et fera en sorte qu'il y aura très peu d'individus qui pourront vivre cette conscience. La détresse de l'homme à l'égard de l'invisible peut se vivre de plusieurs façons, soit qu'il peut se sentir très seul dans cette conscience supramentale, mais il ne doit pas penser que la lumière ne sait pas ce qu'elle fait. Et la conscience supramentale n'est pas réservée à de grands groupes ou à de grandes masses. Elle est plutôt individuelle et ce sont des petits groupes et des individus qui se réuniront et qui pourront aussi comprendre que dans les années à venir, la fin de cycle fait en sorte que pour la première fois, l'homme est obligé de prendre contact avec sa lumière. La fin de cycle n'est pas un apocalypse, c'est la fin d'un temps de l'ego à réfléchir la vie et à se donner des réponses psychologiques pour comprendre ce que veut dire l'invisible. Les forces de la lumière sont obligées, dans les temps à venir, de descendre dans la matière. Et dans la régence planétaire, ils auront suffisamment d'autorité pour établir que toute détresse psychologique venant de l'homme n'est pas suffisante pour lui permettre d'être en mesure de s'instruire de ce qu'ils sont. Et pour s'instruire de ce qu'est la lumière, il faut un vide mental face au passé. Le passé n'a jamais instruit l'homme. Le passé est un référent mémoriel qui permet à l'âme de se donner de sécurité. Mais dans la nature même de la conscience supramentale, l'homme verra que le passé n'a aucune valeur, sinon que de le retenir à de la mémoire. Comme la fin d'un cycle appelle à la conscience de l'homme la destruction de formes de vie anciennes, il est bien entendu qu'il doit comprendre que la vie qu'il a à vivre ne peut se situer d'aucune manière sur des sécurités matérielles. La détresse psychologique vécue et toute l'immobilité de la conscience humaine présente fait en sorte que la noirceur est en mesure de s'installer progressivement dans la conscience des individus. Il y a davantage de désordre dans la matière, il y a davantage de maladies mentales parce que les individus sont davantage récupérés par les plans de la noirceur dans leur pensée et leur psyché, ce qui fait en sorte que cela accentue une pression énorme sur la conscience des sociétés à venir. Il n'y a pas un gouvernement qui ne sera pas à l'abri de cette fin de cycle, car le pouvoir doit être détruit dans l'homme et les gouvernements seront tellement bousculés par cette fin de cycle qu'ils auront à être instruits eux-mêmes à partir de personnes qui n'ont pas une conscience philosophique ou psychologique pour penser la vie, mais à partir de mental vibrant qui auront la capacité d'instruire l'homme des réalités de ce qui se passe. Une personne qui vit un choc doit savoir qu'est-ce qui vient après le choc. Elle ne peut pas rester dans le choc indéfiniment, car la détresse psychologique que lui fait vivre le choc peut se cristalliser en elle-même, si bien que la mémoire progressive d'avoir vécu cette réalité fera qu'elle deviendra immobile devant son avenir et devant ce que les forces de vie veulent faire. Lorsqu'il se passe quelque chose, l'homme doit questionner l'invisible et établir froidement que sa vie est ailleurs si elle doit être ailleurs. Il ne peut pas rester prisonnier d'une maison, il ne peut pas rester prisonnier de la réalité d'avoir une belle auto, il peut simplement avancer. Et dans la réalité, de comprendre que les forces de la lumière n'ont pas le choix présentement de descendre vers lui pour lui donner la capacité de s'instruire, fait en sorte que l'homme comprendra que non plus les forces de la lumière ne peuvent pas l'aider, mais peuvent simplement l'éclairer face à la fin de ce qui vient. Donc, la détresse psychologique n'est pas possible pour l'ego, bien qu'il peut y avoir une certaine instabilité à l'ego de comprendre ce qui se passe. Mais il ne peut pas rester cet ego dans la détresse de croire que sa vie a une fin. Sa vie n'a pas de fin parce que sa vie est un continuum d'énergie qui rentre en lui pour l'instruire de ce qu'il est. Incidemment, la pollution de la conscience humaine n'est pas équipée pour avoir à faire face à un choc si grand. Et la fin du cycle est donc, d'une certaine manière, la fin d'un temps. Il ne s'agit pas de l'apocalypse, mais il s'agit de la fin de toutes les formes qui ont amené l'homme à croire que l'invisible pouvait l'aider et que l'invisible était plus grand que lui. L'homme se fera instruire de la réalité que l'invisible peut l'éclairer en autant qu'il sache lui-même que tout ce qui est matériel n'est pas nécessairement intelligent. L'intelligence est une énergie venant d'ailleurs, tout comme la volonté et l'amour. Elle appartient bel et bien à l'homme quand ses énergies sont maîtrisées dans sa conscience au niveau de son étude, de s'instruire de ce que veut dire un double cosmique. La lumière peut très bien amener l'homme à être vibratoire en autant qu'il puisse être, lui, libre du passé. Lorsqu'il est libre du passé, il sait que si sa maison a été inondée, que sa vie doit peut-être se passer ailleurs. En ce sens, une fin de cycle a pour but de provoquer suffisamment de déséquilibre pour que l'ego se pose les questions et qu'il puisse obtenir aussi, si son taux vibratoire est suffisant, des réponses à celles-ci. Et ces réponses ne peuvent pas venir de la psychologie ou de la philosophie, car celles-ci ne sont qu'un reflet de l'ego à réfléchir la vie, alors qu'en fait, l'homme doit reprendre contact avec sa lumière. Et c'est ainsi que la cinquième race racine laissera place à une sixième race racine qui ne réfléchira pas à la vie, mais qui aura l'obligation d'avoir un dialogue avec l'invisible pour parfaire son identité. Et ensuite, il y aura cette septième race racine qui permettra à l'homme d'être avec l'architecture d'un mental libre, immortel. Ainsi donc, la Terre n'a qu'une résonance pour les forces de la lumière et celle de la faire évoluer à un niveau de perfection qui un jour donnera à l'homme l'assurance de pouvoir être lui aussi immortel face à la vie matérielle et d'en comprendre totalement les lois. Si bien que l'homme présent dans cette fin de cycle verra que les lois matérielles de la matière qui leur a données sont uniquement une manière de le densifier et non pas de le rendre immortel. La mort n'est pas réelle au niveau de la conscience. Elle est simplement réelle au niveau de l'âme qui, elle, doit retourner, se reposer et, dans une mémoire absolue, avoir un jour à se réincarner pour donner une nouvelle aventure à l'ego afin que lui se conscientise des lois de la vie. Parce que la lumière sait très bien que l'ego doit se positionner sur la vie de l'âme un jour. Ainsi donc, la détresse psychologique mondiale sera une détresse au niveau de l'âme et non au niveau de l'esprit. Et c'est pour ça que cette fin de cycle fera en sorte qu'il y aura beaucoup d'âmes qui seront perturbées devant la nature même de la vie. Et la nature même de la vie est celle-ci, c'est qu'elle appartient à la lumière et que la lumière dans l'homme, si celle-ci est suffisamment grande, est ce qui lui permettra de se libérer de la matière. Sans cette lumière dans l'homme, l'homme n'a pas d'identité psychique suffisante pour être un être capable de s'expliquer lui-même qu'est-ce que la fin d'un cycle.